Ah. Debout les héros. Enfin. Ceux qui savent mourir élégamment. Un sac en bandoulière, rien qu'un arc cassé. Mais dans mes yeux, la grandeur d'un guerrier. Je visais la lune, j'ai touché mon pied, mais mon sang. J'avais l'air stylé. J'ai couru vers la fight comme un champion. Puis j'ai glissé sur un vieux jambon. Un headshot plus tard, c'est le noir complet. Mais mes sandales, toujours impec. C'est l'art de mourir avec panache. Sans skill, sans chance, mais avec pensée. Un cri de rage, un saut raté. Et j'explose avec dignité. L'art de tomber comme un roi. Même à poil, je fais la loi. Le kill fit pleure mon élégance. Je meurs mais avec prestance. J'ai voulu rush une base tout seul. Avec un yo-yo et une pelle. J'ai hurlé pour ruster l'honneur. Puis j'ai loté un ventilateur. Le mec en face, full AK. Moi, un slip et un sandwich moisi. Mais je me suis couché dans un buisson. Et j'ai soufflé, tu m'as pas eu champion. C'est l'art de mourir avec panache. Un baroud d'honneur dans les moustaches. Je faille mais je brille, je loot et je plie. Riders kill, l'épitaphe qui rit. Tu tombes une fois, deux fois, cent fois, mais tant que tu meurs avec foi, t'es un héros ou un idiot, mais t'es stylé poteau. C'est l'art de mourir avec panache, mon cadet ratio, une escalope panée, mais je respawn avec une clope au bec, et l'envie de me prendre une tour et dans le mec. C'est l'art de une escalope panée, mais je respawn avec une clope au bec et l'envie de me prendre une tour et dans le mec. JJ Easy, tu mens, mais t'y crois.